commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, l'honneur, la louange, sur toute ma vie, Jésus règne. À toi la gloire, l'honneur, la louange, sur toute ma vie, Jésus règne. À toi la gloire, l'honneur, la louange, sur toute ma vie, Jésus règne. L'envoyé de Dieu qui s'appelait Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Mais hélas, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. À toi la gloire, l'honneur, la louange, oh, sur toute ma vie, Jésus règne. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Gloire à Jésus! Yeah. Le vivant, Jésus, il donne la vie. Parce que moi je l'ai invoqué, il m'a répondu. Il n'y en a pas qui n'aura pas de Dieu qui bénit comme Jésus. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas de Dieu. Béni comme Jésus est. Il n'y en a pas, il n'y aura pas de Dieu qui bénit comme Jésus. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas de Dieu qui bénit comme Jésus est. Il n'y en a pas, il n'y aura pas de Dieu qui bénit comme Jésus. Il a pardonné mes péchés, il a transformé ma vie. Il n'y en a pas, il n'y aura pas de Dieu qui bénit comme Jésus. Sur la croix à Golgotha, il a tout accompli pour moi. Il n'y en a pas, il n'y aura pas de Dieu. Par ses meurtrissures, j'ai la guérison. La croix l'a maudit. Jésus m'a.